Le papillon. Écrit et enregistré par Sabine Huchon pour audiocité.net sous la licence Art Libre. Il faisait une chaleur épouvantable cet après-midi-là. Pour me rafraîchir un peu, je décidai de m'installer au pied d'un saule pleureur, au bord du petit rue qui traverse mon jardin, avec un bon livre. À ma stupéfaction, quand j'ouvris le livre, un papillon s'en échappa. Un magnifique papillon, aux couleurs écarlates comme je n'en avais jamais vu. Il se posa sur mon livre. « Que fais-tu là ? » lui demandai-je. « N'es-tu pas mort d'être resté si longtemps dans ce livre ?»« Mort ?» me répondit-il. « Tu me demandes si je suis mort ?»« En douterais-tu ? C'est pourtant toi et les tiens qui m'avaient tué. »« Moi ? » m'insurgeai-je. « Je n'ai jamais tué seulement une araignée. »« Oh ! Toi, je sais bien que tu fais un peu attention. » « Mais ne roules-tu pas en voiture ? Dis-moi que tu n'utilises jamais de produits chimiques. Avec toutes vos lumières, vos pesticides, vos usines, vos avions, vous avez éteint ma race. Alors je m'en vais. Quelle raison ai-je de rester dans ton livre ? Je n'existe déjà plus. » Le papillon s'envola, je le suivis des yeux. Ses couleurs s'éteignirent, il devint translucide, puis il disparut complètement avant d'avoir volé un seul mètre ou deux. Alors j'ai couru vers ma bibliothèque. Je voulais ouvrir mon dictionnaire à la lettre P pour vérifier si le papillon y figurait encore. Mais du dictionnaire se sont enfuis non seulement les papillons, mais aussi les abeilles et les libellules, les koalas et les pandas, les lions et les tigres, les cachalots et les baleines. J'ai vite refermé le dictionnaire, de peur que l'homme ne s'en échappe à son tour.